ce n'est pas une hirondelle qui vient de déchirer le ciel. Les grives et les tourterelles dorment encore d'un profond sommeil. Écoute, c'est le vent qui passe et qui recourbe nos sapins. Regarde ce matin la glace recouvre encore les temps voisins. Pourquoi veux-tu percer la neige et je n'entends pas les ruisseaux. Le ciel est gris, le ciel est beige, le givre est toujours au carreau.